À l'occasion de la journée significative de la brillante étoile, les expositions de livres, de photos, de timbres et d'objets d'artisanat coréen ont eu lieu à Khabarovsk de Russie, à Shanghai et Dandong de Chine, à Jakarta de l'Indonésie, à Velingrad de Bulgarie, à Belgrade de Serbie et à Callao du Pérou. Dans les salles d'exposition étaient exposées les photos qui présentent les exploits immortels du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il et les photos des activités révolutionnaires du dirigeant suprême Kim Jong-un. Y étaient exhibées les œuvres classiques des grands hommes Paektosan, les livres, les photos et les timbres montrant la fière réalité de la Corée Songun qui se développe sous le drapeau de Songun, ainsi que les objets d'artisanat traduisant le talent créatif du peuple coréen. Aux cérémonies d'ouverture des expositions, on prit part les personnalités de différents milieux politiques et sociaux, les habitants des pays hôtes et les diplomates coréens.